Si ta solitude existe et ton amour irréel, sache que le bonheur existe, je le connais et il s'appelle Christelle. Christelle. Christelle. Christelle. Je te prends dans mes bras. Wow, tu me prends dans tes bras. Moi je n'aime que toi. Wow, et tu n'aimes que moi. Tu me prends dans tes bras, oh, et je n'aime que toi.